je t'aime, reste auprès de moi, dans un champ d'étoiles, l'amour nous conduit, avec pour escale tout le paradis. Ensemble, nous quittons la vie.